Vous sortez même s'il pleut ? Oui, nous sortons malgré la pluie. Le bébé dort même s'il y a du bruit ? Oui, il dort malgré le bruit. Tu travailles même si tu as la migraine ? Oui, je travaille malgré la migraine. Tu pars en week-end même s'il fait froid ? Oui, je pars malgré le froid. Lou est adorable, même si elle a des défauts. Oui, elle est adorable malgré ses défauts.